Donc, du coup, vous choisirez autre chose chez vous si vous voulez refaire la séance. Donc là, ce que je vous propose, vous vous concentrez tout simplement sur la poignée de la porte, la poignée de la fenêtre, et puis vous mettez toute votre attention sur la poignée de la fenêtre. Voilà, vous mettez juste votre attention sur la poignée de la fenêtre. Et puis, quand vous serez prête, vous me ferez un petit signe. Alors, quand vous serez prête, c'est en fait vous avez bien mis votre attention sur la poignée et sur rien d'autre. S'il y a des phrases, s'il y a des mots, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, vous ne luttez pas contre, c'est pas grave, vous revenez juste à la poignée. Vous revenez à la poignée. Alors, je vous propose que vous fermiez les yeux. Et vous allez prendre un peu de distance avec vous. Vous allez vous voir un petit peu de l'extérieur. C'est comme si vous vous regardiez là dans le fauteuil. Vous vous représentez, vous vous imaginez, vous assis dans le fauteuil. Et vous vous regardez, vous vous observez. On a parlé de la confiance en soi tout à l'heure. Et au fond, c'est comme si un peu vous regardiez. C'est vous, mais vu de l'extérieur. C'est vous, mais avec de la distance. Et dites-vous, si vous regardiez une bonne amie dans le fauteuil, si vous regardiez quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie, qu'est-ce que vous vous diriez de cette personne-là dans son fauteuil? Fait sa séance d'hypnose. Voilà, vous vous dites quoi? Alors vous vous laissez ces choses en vous, pas besoin de les parler. Et vous prenez un peu de distance comme ça avec votre image et puis vous essayez de regarder, de voir, de vous voir dans le fauteuil avec de la distance. Avec ces histoires d'estime de soi, qui des fois de confiance en soi, qui ne sont pas toujours très bons. Et puis si c'était une bonne amie à vous, qu'elle n'avait pas suffisamment d'estime d'elle-même, pas suffisamment confiance, qu'est-ce que vous lui diriez à votre amie? Vous voyez, un petit peu de vous détacher de vous-même. Voilà, vous voyez, en fait, vous êtes. Vous vous sentez surtout, vous voyez, vous n'essayez pas trop de mettre de mots là-dessus, mais soyez pas mal dans les sensations. Qu'est-ce que vous ressentez à l'image là, de vous-même, qui pourrait être une bonne amie en fait, quelqu'un en tout cas avec qui vous allez vivre votre vie. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'estime de soi? Et puis quand même, elle fait des choses pour elle. Vous venez ici en séance, vous travaillez sur vous. Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, féliciter votre amie, lui dire que c'est bien, quoi. Elle fait l'essai. Elle fait ce qu'elle peut, en tout cas. Puis vous prenez de la distance encore avec vous. Et puis vous vous voyez, en fait, à ces moments où vous avez envie de manger. Où il y a des émotions difficiles, des pensées difficiles. Alors vous vous voyez sur votre canapé, sur votre fauteuil, chez vous, en tout cas là où vous, les dernières fois, admettons, vous avez eu une crise de boulimie. Et vous laissez le temps de vous voir, de vous regarder, de vous représenter, un peu comme si c'était une autre personne, mais c'est bien vous, mais avec un peu de distance là, par rapport aux facteurs de stress notamment. Et vous voyez Lorraine dans son canapé, et puis vous ressentez de l'empathie avec elle, parce qu'en fait Il y a eu un moment, une situation de stress qui fait que sur la dernière crise de boulimie, il s'est passé des choses, des pensées, des émotions désagréables. Vous sentez ça, vous l'observez comme ça, à distance. Hein. On n'y est plus, mais bon, vous y êtes quand même. Quoi. Vous ressentez cette émotion que Lorraine a pu ressentir. Les pensées aussi qu'elle a pu sentir. Et vous voyez ça, vous ressentez ça de l'extérieur, là on est en séance, mais voilà, vous y étiez. Et vous regardez ça avec distance. Un peu comme si c'était une amie en fait qui vivait ça. Un peu comme si c'était une amie qui sentait ces facteurs de stress là, qui l'envahissent à des moments. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre amie? Est-ce que vous lui conseilleriez de manger? Ou est-ce que vous lui conseilleriez autre chose? En fait, vous allez intérieurement conseiller celle que vous êtes à d'autres moments. Sur est-ce que je vais jouer ça encore avec moi quand je ne suis pas bien? De manger, de trop manger. D'essayer de fabriquer des sensations avec l'alimentation. Plutôt que de courageusement faire face à mes sensations très désagréables des moments que je peux ressentir quand j'ai envie comme ça de trop manger, parce que je veux oublier certaines choses, parce que je veux pas les ressentir, parce que ça me fait trop mal, et qu'en fait vous pouvez vous dire, est-ce que vous êtes assez forte pour supporter ça? Qu'est-ce que Lorraine a comme ça en l'extérieur, si elle regardait son amie, sa bonne amie qui vit ça, est-ce qu'elle lui dirait, t'es assez forte? Ben oui, sans doute, pour vivre ça, ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour accepter, pour ressentir ses pensées, ses émotions désagréables, des trucs vraiment pas chouette du tout, quoi, qui fait que on a envie de manger plutôt que de regarder le problème en face. Est-ce qu'on conseillerait ça à sa bonne amie? Donc vous voyez en fait ces situations où vous les sentez, surtout les situations, vous sentez cette situation où vous étiez là toute seule, complètement envahie par le stress. Et qui fait que vous avez mangé, trop mangé. Vous n'avez pas mangé quand vous aviez faim, en fait. Vous avez utilisé la nourriture pour masquer quelque chose. Mais donc là, en fait, dans cette séance d'hypnose, c'est aussi un moment où vous regardez avec distance. C'est aussi un moment où constater, bah pourquoi faire ça quoi, en fait je peux faire face à mes émotions et mes pensées. Je suis une femme, quoi, je suis adulte, je suis plus une petite enfant, je suis plus une petite fille. C'est pas des émotions qui vont me tuer, c'est pas des pensées qui vont me tuer. Je peux faire face. Qu'est-ce que vous diriez à votre bonne amie si elle était dans cette situation là? Vous laissez sentir en fait tout ça. Hein. Voilà. Vous voyez hein, dans ces moments où vous consommez trop de nourriture parce qu'en fait vous n'arriviez pas à faire face aux émotions, aux pensées désagréables qui font qu'on consomme trop de nourriture. On se cache derrière ça. Mais en fait, on peut tout à fait faire face. Et vous pouvez faire face, vous avez la force en fait. Et qu'est-ce que vous ressentez si vous voyez votre ami comme ça avoir ce problème, hein, votre ami et vous, quoi, en fait, hein, de l'extérieur? Qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, fais face, qu'est-ce que tu penses quoi? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Parle, vas-y, écris, dis, chante ton problème. Exprime ton problème ou essaie de, masquer ton problème avec de la nourriture. Qu'est-ce que vous lui direz, votre ami? Et vous vous laissez sentir ça, en fait, vous êtes comme votre guide, quoi, en fait, vous vous guidez de l'extérieur. Vous voyez bien dans votre intérieur, dans ces moments où vous avez ces crises. Vous pouvez refabriquer aussi hein, la sensation, hein, si vous êtes dans un canapé, ou je sais pas s'il y a de la musique, vous voyez, refabriquer vraiment le climat dans lequel vous êtes souvent. Quand vous avez comme ça ces accès de boulimie, vous essayez de ressentir vraiment le... C'est comme si c'était vrai. C'est comme si c'était vrai. Mais là, vous avez de la hauteur, de la distance. Puis vous vous dites que vous pouvez faire autrement que de manger, que d'oublier vos problèmes avec la nourriture, qui vous pose un autre problème après. Puis surtout, c'est comme si vous conseilliez une amie, hein, cette amie c'est vous. Hein. Et vous refabriquez bien toutes ces sensations hein, que vous aviez chez vous, les émotions, les pensées. Et vous faites face. Vous avez de la distance. Vous regardez ça avec de la hauteur. Vous regardez. C'est comme si c'était vrai. C'est comme si c'était vrai. C'est vous de l'extérieur, en fait, chez vous. Quand vous avez ces accès de boulimie, vous regardez, vous entendez le bruit qu'il y a dans l'appart, les odeurs de l'appartement, les sensations physiques. Vous pouvez voir le vêtement que vous portez. C'est comme si c'était vrai, vous refabriquez en fait la scène dans votre tête. Vous refabriquez la scène dans votre tête. Et vous avez de la distance. Et est-ce que tout ça, ça vous donne envie de manger? Ou alors est-ce que ça vous donne envie de faire face? Est-ce que ça vous donne envie de reprendre le contrôle sur votre existence? D'une façon adulte, comme une femme le ferait, en regardant les choses bien dans les yeux. Sentez où vous voyez, c'est plus vrai que nature. C'est comme si c'était vrai. Vous voyez chez vous, ou à un autre endroit, quand vous avez ces accès de boulimie, comme ça. Et vous prenez la décision de qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que j'ai un accès de boulimie ou que j'ai envie de manger, d'oublier ces vilaines sensations en moi en mettant des sensations alimentaires, de gras, de sucre, pour oublier ce que je pense, pour ne pas ressentir mes émotions. Et là, vous prenez la décision de qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que je ressens ça? Est-ce que je prendrai une feuille de papier, que j'écrirai ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai dans la tête, ce que je ressens, ce que je pense, ou est-ce que je mangerai? Prenez la décision, en fait. C'est un peu comme si vous conseillez une bonne amie. Et vous ressentez hein, la scène, hein, c'est comme si vous y étiez, hein, où vous voyez hein, dans ces moments de difficulté. C'est comme si vous y étiez. C'est plus vrai que nature. Vous êtes là, chez vous, vous sentez le problème, vous sentez la pensée qui est difficile. Vous sentez les émotions qui sont pénibles, la peur, la colère, la tristesse, la honte, le dégoût. Et vous prenez la décision, est-ce que je vais faire face à tout ça ? Comme une guerrière. Ou alors, est-ce que je vais me planquer derrière la nourriture? Qu'est-ce que je décide de faire? Si c'était ma bonne amie, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Et là, je prends la décision, en fait, de ce que je vais faire la prochaine fois, et de ce que je vais faire maintenant. Je prends la décision. Y êtes dans ces situations, dans ces moments où c'est difficile. là vous avez beaucoup de distance. Et vous avez pris la décision. Vous avez pris votre décision. Donc aussi, ce que vous allez faire, vous allez dire au revoir à la nourriture là, comme ça que vous utilisiez de trop. Bien sûr, hein, vous allez continuer à prendre du plaisir en vous alimentant. Il faut toujours prendre du plaisir en s'alimentant, mais juste quand on a faim, pas quand on n'a pas faim. La nourriture, c'est une bonne amie quand on a faim, c'est une mauvaise amie quand on n'a pas faim. Donc vous allez continuer hein, avec votre bonne amie dans votre vie, la nourriture, mais quand vous aurez faim seulement. Et vous ne l'appellerez pas quand vous n'aurez pas faim. C'est pas compliqué. En fait, vous allez rester avec ça. Vous avez votre décision qui est prise et puis bien mis en vous le fait que vous allez continuer à vous faire plaisir avec de la nourriture. C'est bien de se faire plaisir avec de la nourriture quand on a faim. Et on n'utilise pas la nourriture quand on n'a pas faim. Donc du coup, vous allez dire au revoir à la nourriture que vous utilisez à mauvais escient, mais par contre, vous allez rester main dans la main avec la nourriture, la bonne nourriture, celle qui vous nourrit, celle que vous allez continuer à manger quand vous avez faim. Voilà, vous gardez toutes ces choses en vous, là. Inscrivez bien en vous, vous ressentez cet instant, vous ressentez le moment, vous concentrez bien sur toutes vos sensations. Puis progressivement, on va revenir à l'état de conscience normal, on va progressivement revenir, enfin arrêter la séance. Petit à petit. Donc ce que je vous propose, c'est que vous... Je vais compter de 5 à 0 à l'envers, à rebours. Et puis à 0, ben, vous pourrez, si vous le souhaitez, réouvrir les yeux et puis repartir dans votre existence. 5.